pendant que l'attrait nous empêchait de vivre enfin. Pourquoi veux-tu te rendre indiscutable? Il n'y a plus rien d'ouvert en toi, aucun endroit de libre. Où peux-tu encore recevoir du nouveau? Aucune chambre d'écho. Plus rien où résonne l'avenir. Moi, je te dis même si ton esprit préfère partie des dominants, il ne vaut plus rien. D'ailleurs, ce sont les dominants de vrais problèmes mondiaux. Comme tu es de la graine de censure, incapable de vrais débats, en tout vous ne survivez qu'avec vos prothèses. Oh, pourquoi veux-tu tout rendre indiscutable? Quand tu dis c'est la vie, c'est pour que nous cloître et nous empêcher de vivre enfin. Pourquoi veux-tu tout rendre indiscutable? Non, ce n'est pas la vie. T'as tout faux. La vie est à vivre et nous ne pouvons rien en dire avant de l'avoir vécu. Toi qui es toujours à l'envers, tu passes le temps à en parler, juste pour nous empêcher de vivre. Nous accusons les médias de l'ordre qui ont imposé partout indiscutable, indiscutable. Leur monde n'est plus le nôtre, leur monde n'a plus de futur. C'est pas la vie, c'est la dictature de dictature. C'est la vie, c'est comme ça. Campus toujours de l'illégal, ordre de nord établi. Hier et depuis du nul, le capitalisme est indiscutable, indiscutable. Aujourd'hui le même se sent toujours trempé sur tout brailleur. Toujours plus faux, férieux. L'État est indiscutable, indiscutable. Pourquoi veux-tu te rendre indiscutable? Quand tu dis c'est la vie, c'est pour nous battre et nous empêcher de vivre en paix. Pourquoi veux-tu te rendre indiscutable? Pourquoi tes chansons c'est toujours des ordres indiscutables, indiscutables? Tu n'accuses, accuses partout que parce que la honte est en toi. Tu as toujours eu honte de toi, indiscutable, indiscutable. Et tu crois que t'attaquer encore masque tout cela. Au contraire, ça te rend bien plus visible. Qui veut bien entendre, indiscutable, indiscutable. Tu ne peux survivre que dans un monde où tout est indiscutable, indiscutable. Tu paradais partout comme une success story. Nous n'y voyons qu'un tas ridicule de vieilles ficelles éventées. Tu ne servis que dans le monologue. C'est pour ça que t'es plus qu'un handicapé des médias. Tout part de prothèses techniques, hein, sans lesquelles tu es devenu incapable de vivre. T'as tout raté en croyant réussir. Et qu'en pouvions-nous te l'expliquer? Comme pour toi tout est indiscutable, indiscutable, indiscutable, indiscutable. Nous avons tout réussi. Tout est tout préservé par la pauvreté. Mais tu pourras jamais venir en discuter. Indiscutable, indiscutable. Indiscutable, indiscutable. indiscutable, indiscutable. Ciao, ciao, bye, bye, bye, bye. Oh!